L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien. Lila et Lenou ont grandi. Ce sont maintenant des jeunes filles. Lenou a passé son brevet brillamment et poursuit ses études. Elle va entrer au lycée. Son corps change, celui de Lila aussi. Lenou observe ces changements qu'elle ne peut maîtriser avec angoisse. Lila aide sa mère dans les tâches quotidiennes. Elle veut aussi aider son père cordonnier et dessine des chaussures magnifiques. Mais pour son père, ce sont des enfantillages. Pourtant, Lila n'a plus rien d'une enfant. Cinquième épisode, la terrible beauté de Lila. Lila s'était mise à s'intéresser, je ne sais trop comment, à la danse. Nous découvrîmes avec surprise que le frère de Lila, Rino, et son copain Pasquale étaient d'excellents danseurs. Et ils nous enseignèrent le tango, la valse, la polka et la mazurka. Regarde, je te montre. Alors, enlève tes chaussures. Mets tes pieds sur les miens. Voilà, je te tiens. C'est bon. Lent, vite, lent. Comme ça ? Oui, c'est ça. Tu te débrouilles très bien. Dès que nous eûmes un peu d'expérience, Pasquale nous fit tournoyer à travers la maison. Je découvris que j'adorais danser. J'aurais dansé toute la journée. Lila aussi adorait ça. Mais je remets mes chaussures. Alors. Un jour, j'allais chez Lila et elle me montrait un petit livre qu'elle avait pris à la bibliothèque. Tout y était consigné sur les différentes danses et chaque mouvement était expliqué au moyen de silhouettes noires d'hommes et de femmes en train de virevolter. De but en blanc, elle m'attrapa par la taille et jouant le rôle de l'homme, m'obligea à danser le tango en faisant la musique avec sa bouche. Là, ah oui, il y a sur le côté. Mais ça danse. Non. Attends, je le fais ça. Est-ce que vous êtes drôles comme ça, toutes les deux? Et nous, on danse? Mais il n'y a pas de musique. Oh, tu sais, Lila est une telle perfectionniste qu'elle m'oblige sans arrêt à pratiquer. Alors qu'on n'a pas de gramophone. Gramophone. Tu sais d'où ça vient, ce mot, Lenou? Non. C'est du grec. Du grec? On danse, Rino. Allez. Je la regardais perplexe. Sur ce, Rino m'abandonna pour faire danser sa sœur. Ils dansaient tellement bien ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vis alors que sous guerre et paix apparaissait recouvert d'étiquettes de la bibliothèque de M. Ferraro, un volume tout abîmé qui s'intitulait « Grammaire grecque ». Après, je t'écris gramophone avec les lettres grecques. J'ai des trucs à faire. Salut. Salut, Léo. Salut. C'est pas vrai d'apprendre le grec, maintenant. C'est quand que ça va s'arrêter? Et puis elle connaît l'alphabet, alors elle sait tout, mais j'en ai marre. Pendant quelque temps, je m'efforçais de l'éviter. J'étais en colère. J'allais à la bibliothèque pour emprunter moi aussi une grammaire grecque, mais il n'en existait qu'une et elle était prêtée à tour de rôle à tous les membres de la famille Cerullo. Peut-être que je ferais mieux d'effacer Lila de mon esprit comme un dessin sur un tableau noir, me dis-je. Et je crois que c'était la première fois qu'une telle pensée me venait. Je me sentais fragile. Je laissais Lila m'enseigner à danser la valse. Je la laissais me montrer qu'elle savait écrire tous les mots italiens avec l'alphabet grec. Elle voulut que j'apprenne moi aussi cet alphabet avant de commencer le lycée. Elle m'obligea à l'écrire et à le lire. J'allais danser chez Gigliola avec un sentiment permanent d'infériorité et de honte. J'espérais que ça passerait. Mais infériorité et honte ne firent que s'intensifier. Oh, comme ils dansent bien. Ouais, ils sont vraiment fortiches. Ils étaient beaux et harmonieux. En les regardant, je compris définitivement que, dans peu de temps, Lila aurait tout perdu de son air de petite fille, petite vieille. Elle était devenue sinueuse. Son front haut, ses grands yeux qui se plissaient brusquement, son petit nez, ses pommettes, ses lèvres et ses oreilles cherchaient une nouvelle orchestration. Et il semblait sur le point de la trouver. Quand elle se faisait une queue de cheval, son long cou révélait une blancheur attendrissante. Sa poitrine avait de petites pommes gracieuses toujours plus visibles. Son dos faisait une courbe profonde avant d'arriver sur l'arc de plus en plus tendu des fesses. Ses chevilles étaient encore trop maigres, des chevilles d'enfant. Mais combien de temps leur faudrait-il pour s'adapter à sa silhouette qui était désormais celle d'une jeune fille ? Je me rendis compte que les garçons, pendant qu'ils la contemplaient en train de danser avec Rino, voyaient encore plus de choses que moi. Pasquale surtout, mais aussi Antonio et Enzo. Ils avaient les yeux rivés sur elle, comme si nous autres avions toutes disparu. Et pourtant, j'avais plus de poitrine. Et pourtant, Gigliola était d'une blondeur éblouissante avec des traits réguliers et des jambes parfaites. Et pourtant, Carmela avait des yeux magnifiques et surtout des mouvements de plus en plus provocants. Mais il n'y avait rien à faire. Du corps mobile de Lila commençait à émaner quelque chose que les hommes sentaient. Une énergie qui les étourdissait, comme le bruit toujours plus proche de la beauté en train d'arriver. C'est seulement quand la musique s'interrompit que les garçons reprirent leurs esprits avec des sourires hésitants. Un dimanche, à l'issue de longues discussions avec nos parents, nous fûmes autorisés à sortir un soir, Rino venant généreusement se porter garant de ma personne auprès de mes parents. Ce soir-là, on alla s'offrir une pizza sur le rétifilo. On mangea gaiement. J'eus l'impression qu'Antonio, forçant sa timidité, me faisait un peu la cour, ce qui me fit plaisir. Tout à coup, le pizzaiolo, un homme d'une trentaine d'années, se mit à faire tournoyer dans les airs avec une virtuosité excessive la pâte à pizza qu'il était en train de pétrir, échangeant des sourires avec Lila, qui l'observait admirative. Arrête ça tout de suite, Lila. Mais je fais rien, Rino. Laisse-moi tranquille. Non mais regarde-le, celui-là. Il a envoyé un baiser à Lila, en soufflant sur le bout de ses doigts. C'est vrai ou je me trompe ? J'ai rien vu du tout. Laisse tomber, Pasqua. Maintenant, vas-y. Pasquale se dirigea vers le comptoir où se trouvait le four. Le propriétaire de la pizzeria accourut aussitôt. Je viens juste d'expliquer à ce type-là un truc qui n'était pas très clair pour lui. C'est bon, on est clair maintenant. Antonino, je t'ai dit pas la clientèle. On finit de manger notre pizza en silence, les yeux baissés avec lenteur, comme si elle était empoisonnée. Rino passa à Lila un savon magistral qui se conclut par une menace. Si tu continues comme ça, je t'emmène plus. Quoi, qu'est-ce qui m'a pris ? C'est normal. Dans la rue, les hommes que nous croisions nous regardaient toutes, belles, mignonnes ou moches. Et nous avions d'instinct appris à garder les yeux baissés et à continuer notre chemin. C'est ma sœur. Pas Lila. Quand quelqu'un la fixait, elle soutenait son regard. Quand on lui disait quelque chose, elle s'arrêtait, perplexe, comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était à elle que l'on parlait. Et parfois, elle répondait, intriguée. D'autant plus, et ça c'était vraiment extraordinaire, qu'on ne lui adressait presque jamais d'obscénité. Celle-ci nous étant généralement réservée. On va au café ? Je vous paye une tournée de spumone. Tu fais le grand seigneur, hein ? Il te paye bien ton patron ? À une table en face de nous, une petite famille était en train de manger une glace. Le père, la mère et leur fille. Il semblait tout à fait respectable. Le père, un gros bonhomme d'une cinquantaine d'années, avait des airs de professeur. Et je peux jurer que Lila ne portait rien de voyant, Elle ne mettait pas de rouge à lèvres, avait sur elle les habituels chiffons que sa mère lui cousait, et nous étions toutes plus tapes à l'œil. Mais cet homme ne parvenait pas à détacher les yeux de Lila. Et celle-ci, même si elle essayait de se retenir, répondait à son regard comme si elle n'en revenait pas d'être autant admirée. Vous avez bien de la chance. Vous avez ici même une jeune fille qui deviendra plus belle qu'une Vénus de Botticelli. Veuillez m'excuser, mais je l'ai dit à ma femme et à ma fille, et j'avais besoin de le dire à vous aussi. Qu'est-ce que t'as dit? Tu l'as traité de quoi, ma sœur? Salopard! Enfin, mais calmez-vous, je n'ai rien dit de... Ah non, mais c'est fini, oui! Tu peux jamais te taire, toi! Oh. Allez, non, arrête, calme-toi. Allez, viens, on s'en va. Laisse ce type. C'était encore un dimanche de gâché. Mais le pire se produisit un jour où Rino n'était pas là. À l'occasion de la fête de Gigliola, sa mère organisa une soirée dansante. Son père étant pâtissier chez les Solara, ils firent les choses vraiment en grand. Il y avait une abondance de choux à la crème, de petits gâteaux à la cassate, de sfogliatelle, de pâtes d'amande, de liqueurs et de disques pour danser qui allaient des airs les plus connus à ceux à la dernière mode. Vinrent des personnes qui ne seraient jamais venues à nos petites fêtes entre jeunes. Le pharmacien, par exemple, avec sa femme et leur fils aîné, Gino, qui allait bientôt commencer le lycée comme moi. Ou bien Maria, la veuve de Don Achille, avec ses enfants, Alfonso, Pinuccia et Stefano. Ces derniers convives causèrent un peu de tension. À la fête se trouvaient aussi Pasquale et Carmella Peluso, les enfants de l'assassin de leur père. Mais ensuite, tout s'arrangea pour le mieux. Alfonso était un garçon sympathique. Pinuccia était simplement contente d'être à une fête, sacrifiée comme elle l'était tous les jours à l'épicerie. Stefano avait compris très tôt que le commerce était fondé sur l'absence d'exclusion et il considérait tous les habitants du quartier comme des clients potentiels susceptibles de dépenser leur argent chez lui. Et puis surtout, ce qui vint dissoudre toutes les tensions, c'est que l'on commença bientôt à danser. Alors ce fut un tohu-bohu général et personne ne se soucia plus de rien. Et maintenant, on met un rock'n'roll ? Ouais ! J'avais chaud et je me retirais dans un coin avec Lila. Enzo s'approcha de nous. Le petit garçon qui nous avait jeté des pierres s'était retrouvé au fil des années comme aspiré dans un corps de petite taille, mais puissant et habitué aux gros travaux. Il faisait plus âgé qu'en réalité et semblait même plus vieux que Rino, qui était l'aîné d'entre nous. On voyait bien à ses traits qu'il se levait avant l'aube et qu'en toute saison, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, il parcourait les rues du quartier avec sa charrette pour vendre ses produits. Toutefois, dans son visage de blond, tout clair avec les sourcils et les cils blonds et les yeux bleus, il restait encore quelque chose du gamin rebelle que nous avions connu. Bah, pourquoi tu ne danses pas, Lila? Parce que je ne connais pas encore bien cette danse. Moi non plus. Allez, viens, on va essayer. Viens. Bon, d'accord. Il la prit par le bras avec naturel et l'entraîna au milieu de la salle. D'habitude, si quelqu'un ne faisait qu'effleurer Lila sans sa permission, elle bondissait comme si elle avait été piquée par une guêpe. Mais là, elle ne réagit pas, tant son envie de danser était grande. On vit tout de suite qu'Enzo ne savait pas vraiment y faire. Mais il était très attentif à Lila. Il voulait visiblement lui faire plaisir et lui permettre de se mettre en valeur. Et comme toujours, Lila attirait l'attention de tout le monde, notamment de Stefano, l'épicier. Il la regardait tout le temps, comme on regarde une star de cinéma. Ah, Marcello, bienvenue. Les frères Solara arrivèrent. Rien qu'à les voir, je commençais à m'agiter. Ils allèrent dire bonjour au pâtissier et à sa femme, donnèrent une tape amicale à Stefano, puis se mirent eux aussi à regarder les danseurs. Je ne les perdis pas de vue et n'eus aucun mal à comprendre que surtout Marcello qui plaisait à toutes les filles, était totalement subjugué par le corps souple et élégant de Lila et par son visage qui était unique dans notre quartier et peut-être aussi dans tout Naples. Il la regarda sans jamais la quitter des yeux comme s'il avait perdu le peu de cervelle qu'il possédait. Il continua à la fixer, même quand la musique s'arrêta. Tout se passa en un clin d'œil, et Enzo voulut pousser Lila dans le coin où je me trouvais. Stefano et Marcello s'avancèrent en même temps pour l'inviter à danser, mais Pasquale les devança tous. Lila accepta son invitation en sautillant gracieusement et en battant des mains heureuses. Sur sa frêle silhouette de 14 ans, se penchèrent donc quatre hommes en même temps, d'âges différents, chacun d'entre eux à sa manière, étant convaincu d'avoir le pouvoir absolu. Stefano, Marcello et Enzo reculèrent en hésitant. Pasquale se mit à danser avec Lila, et avec un excellent danseur comme lui, elle laissa aussitôt éclater son talent. C'est alors que Michele Solara, que ce soit par amour pour son frère, ou purement par goût de semer le désordre, décida de compliquer la situation à sa manière. Il donna un coup de coude à Stefano et lui dit bien fort « Non mais t'as de l'eau dans les veines ou quoi ? C'est le fils du mec qui a buté ton père, c'est un communiste de merde ! Et toi tu restes là à le regarder se trémousser avec la fille que tu voulais faire danser ? » ?»« Laissons-le danser, il se débrouille bien !» Et Stefano continua à regarder Lila comme si, en ce moment, c'était tout ce qui lui importait. Michele fit une moue dégoûtée et partit chercher le pâtissier et sa femme. Je les vis parler de manière animée avec les autres, indiquant Maria dans un coin, Stefano, Alfonso et Pinuccia, puis Pasquale qui dansait. La mère de Gigliola prit cordialement Pasquale par le bras, l'emmena dans un coin et lui dit quelque chose à l'oreille. Vas-y Marcello, la voix est libre. Ouais, j'y vais. Et Lila, tu danses ? Et Marcello Solara repartit à la charge auprès de Lila. J'étais sûre qu'elle lui dirait non. Je savais combien elle le détestait, mais cela ne se passa pas comme ça. Lila, l'envie de danser tendant tous ses muscles, chercha Pasquale du regard. Mais ne le voyant pas, elle attrapa la main de Marcello, comme si ce n'était qu'une main, comme si au bout il n'y avait ni bras ni corps, et tout en sueur, elle recommença à faire ce qui en ce moment comptait le plus pour elle, danser. Je regardais Stefano puis Enzo. La tension saturait l'atmosphère. Antonio s'entretint avec Pasquale. Tous deux regardèrent en chien hargneux Michele Solara qui complotait à nouveau avec Stefano et Marcello qui dansait avec Lila en la saisissant, la soulevant, en la jetant dans les airs. Puis Antonio alla voir Ada pour qu'elle arrête de danser. Quoi ? Il y a quelque chose qui cloche, vaut mieux qu'on parte. Maintenant ? Oui. Non ! Même s'il y a un tremblement de terre, moi je danse encore une fois. Et elle regarda Enzo qui était appuyé contre le mur. Mais c'est Marcello qui revint l'inviter et elle se laissa à nouveau entraîner dans la danse. Elena, on y va maintenant. Attends donc, Lila a fini de danser. Non, tout de suite. Pasquale. Alors il fonça droit vers Michele Solara et lui donna un grand coup d'épaule. Pasquale, pas maintenant. Pasquale, pas maintenant. On se reverra. Je me retournai pour voir ce que faisait Enzo. Mais il resta appuyé contre le mur à regarder Lila qui dansait. Lila, on doit y aller maintenant. Lila, faut y aller maintenant. D'accord, ça va. Je viens. Attends, Lila, je te ramènerai après, reste. Marcello Solara reste. Attrapa Lila par non, le mais bras. Je dois rentrer. Reste, je te dis. Elle tenta de libérer son je bras. Je rentre. Lâche-moi. Mais Marcello la serra plus lâche-moi, fort tu me en fais insistant. Mal. Allez, rien qu'une danse. Lâche-moi. Tu me fais mal. Enzo se détacha du mur et saisit le poignet de Marcello. Il était calme, et bien qu'il soit plus petit et plus jeune, il n'avait pas l'air de faire le moindre effort. La puissance de sa poigne se vit uniquement sur le visage de Marcello Solara, qui lâcha Lila avec une grimace de douleur et se prit immédiatement le poignet avec l'autre main. Nous partîmes et j'entendis Lila indignée qui disait à Enzo « T'as vu ? Il m'a touché, moi ! S'il refait ça, il est mort !» Était-ce possible qu'elle ne se soit pas rendue compte qu'elle avait dansé avec Marcello, et même à deux reprises ? Oui, c'était possible. Elle était comme ça. On retrouva les autres en bas. Pasquale était hors de lui. Quelle bande de connards, les frères Solara ! Marcello, je vais le buter ! Le bar Solara, ça a toujours été un repère d'usuriers et de salauds de camoristes ! Ça, on le savait depuis toujours. J'ai qu'un trafic de contrebande là-bas. Ah, ça va. Les Solara, ils veulent juste recueillir des voix pour Stella et Corona, ces salopards de monarchistes. Antonio, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a raison. Et Don Achille, cet enfoiré de collabo, c'était un putain de nazi fasciste. De nazi fasciste? Tu sais d'où il vient l'argent qui a permis à Stefano de développer son épicerie? Hein? Tu sais un peu d'où il vient ce fric? Don Achille l'a gagné au marché noir. Ah, papa, il a bien fait de le crever. Amen. Les Solara père et fils, c'est moi qui vais les refroidir. Et je débarrasserai aussi la planète de Stefano et de toute sa famille. Et toi, Lila, comment t'as pu danser avec lui, cet enculé? Arrête, Pashka, arrête! Arrête de pleurer. Oui, on va les crever. Arrête de pleurer, t'as oublié ce qu'ils t'ont fait? Bon, allez, venez, on va se coucher. On va pas rester dehors. Nous, on reste. On va voir les Solara. T'as qu'à rentrer, Enzo. On se voit demain. Bah, si vous restez, je reste aussi. À ce moment-là, j'éclatais en sanglots, moi aussi. Et peu après, ce qui m'émut plus encore, Lila commença à pleurer. Elle que je n'avais jamais vue en larmes. Nous étions maintenant quatre jeunes filles en pleurs. Pasquale s'adoucit seulement quand il vit Lila pleurer. D'accord. Pas ce soir. Je réglerai leur compte au Solara une autre fois. On aurait dû rester. Mais c'est qui les nazis fascistes? Et les camoristes? Et c'est quoi le marché noir? Et le marché noir, tu vois, c'est du commerce illicite. J'ai du mal à dire quel effet exact les réponses de Pasquale purent avoir sur Lila. Elle en fut imprégnée et bouleversée au point qu'elle devint obsédée par une seule pensée. Donc, avec mes mots d'aujourd'hui, je tenterai de la résumer ainsi. Il n'existe aucun geste, aucune parole ni soupir qui ne contiennent la somme de tous les crimes qu'ont commis et que continuent à commettre les êtres humains. Naturellement, elle le disait d'une autre manière. Mais ce qui compte, c'est qu'elle fut saisie par une frénésie de dévoilement absolu. Elle m'indiquait des gens dans la rue et dénonçait leurs crimes. Le grand-père Solara était camoriste. Le père Silvio était un fasciste, pire encore que Marcello et Michele. Don Achille s'était enrichi au marché noir. Son père Fernando le cordonnier, mon père, tous à ses yeux, étaient rongés jusqu'à la moelle par des fautes ténébreuses. C'étaient tous des vendus. Pasquale et elle m'enfermèrent dans un monde terrible qui ne laissait aucune issue. Quand la rentrée arriva, ce fut très dur parce que je savais que je n'aurais plus le temps pour Lila. Mais d'un autre côté, cela me donna l'espoir d'échapper à cette constante énumération des méfaits des personnes que nous connaissions, que nous aimions et qui étaient de notre sang. À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. Cinquième épisode, La terrible beauté de Lila, avec Amira Cazar, Louise Ori Di Quero, Giulia Dussolier, Étienne Galarague, Adrien Zumthor, Sylvain de Guillaume, Édouard Penaud, Aurélien Ozinski, Lisa Spatazza, David Uri, Raresh Yenasohaï, Giulia Delin, Gérald Maillet, Raphaël Damilano. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Aude Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.